Yeah. Ton rap est lourd mais y'a que tes couilles qui sont pas en surpoids. Je passe pour un sourd alors que je me branle presque pas. Dans mon cuss, j'ai plus d'un tour pour les minables. Tu sais pas encore que je te fourre, c'est ça le message subliminal. Je cours plus vite que les balles, j'ai une de ces fringales alors que je rime pour que dalle. À l'instar de ces stars et de ces rappeurs fiolistes, si tu me comprends toujours pas, j'irai chez l'orthophoniste. Autiste textuel, rime à l'appel, je suis qu'un petit rappeur qui a grandi les pixels. Venu tirer les ficelles dans ce game de merde, sauf que je ne joue pas à la même échelle. J'ai le bâton, j'avance à tâtons, gare au maton, laisse béton, c'est trop tard, y'a que des moutons. Je mets de la crème dans ta soupe car ça donne des boutons. J'ai même les croutons, autant le dire à tous ces bouffons. Tout paraît sublime alors tout est minable, ici tout est subliminal. Tout paraît sublime alors tout est minable, ici tout est subliminal. Tout paraît sublime alors tout est minable, ici tout est subliminal. Tout paraît sublime alors tout est minable, ici tout est subliminal. À deux doigts vendre leur cul pour survivre. Ça joue les youfs, ça joue les oufs. Mais as-tu un calibre? Tu veux être choqué? Fous les doigts dans la prise. Viens moquer, ce sera avec effet de surprise. J'suis comme la crise, j'ai toujours été là. J'emmerde le diable et ces scélérats qui gouvernent ici bas. Une lueur divine illumine mes pas. Dans le brouillard ou l'obscurité, la lune éclaire ma plume. Je pardonne la connerie car ce ne sont que des pitres, des pantins égarés qui ne sont plus libres à vivre. Faut se lever, payer son petit loyer. T'as fait pupiner, s'adulciner. Enfile la vie comme une perle avant qu'elle ne le fasse. Elle est comme mon rap, pour ça que c'est dégueulasse. Pour ça que je te dédicace, je n'ai plus rien à battre. Je me fatigue même plus, je regarde le massacre. Tout paraît sublime alors tout est minable, ici tout est subliminal. Tout paraît sublime alors tout est minable, ici tout est subliminal. Tout paraît sublime alors tout est minable, ici tout est subliminal. Tout paraît sublime alors tout est minable, ici tout est subliminal. Quand je veux marrer, j'allume la radio, regarde le JT où j'écoute des chansons pour je me décerveler. De toute façon, le démon est flingué, mon chargeur est vidé, donc autant le tringler. J'ai retrouvé la vue, mais pas pour batailler. Vas-y, donne tes gants de boxe à Gilbert Montagné. Ça danse avec le diable sans soucier des conséquences. Tu voudrais être à sa table car tu n'as rien dans la panse. Tout part en test, il boule de toutes parts. La foule n'écoute pas, c'est le foutoir. On se fout de toi et toi tu penses savoir. À la croisée des chemins, j'ai changé le sens des panneaux. J'en ai fait ton exutoire afin que tu tombes à l'eau. Et si ce message se veut subliminal, c'est que c'est pas pour les cons engrainés dans la spirale. Toi qui penses être équipé, change d'arsenal. Ou la balle en plein cœur te sera fatale. Tout paraît sublime alors tout est minable, ici tout est subliminal. Tout paraît sublime alors tout est minable, ici tout est subliminal. Tout paraît sublime alors tout est minable, ici tout est subliminal. Tout paraît sublime alors tout est minable, ici tout est subliminal.